Salut à toutes et tous, la tribu, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une pêche d'enfer. Vous êtes dans la 50e Vampire Freaks, la classe dans l'espace, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Chaque semaine, à la même heure, je vous propose de découvrir ou redécouvrir des tubes rock, reggae, ska, punk, metal, et même parfois du sound system d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une programmation spéciale. On commencera en live avec Hubert Félix TFN et l'assassin de 22h43. C'est sûr, tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir. Le premier album de TFN paru en 1978. On retrouve aussi La Maison Borgnole, la très touchante Je t'en remets au vent, et le classique de ces classiques, La fille du coupeur de joint, entre autres. On continuera avec The Night of the Warlock de Doro, c'est sur l'excellent Fear No Evil, son 10e album studio sorti le 23 juillet 2009. On peut entendre aussi Running from the Devil, Celebrate et It Kills Me notamment. Tiens, un grand classique, Radar Love des Golden Earrings, c'est sur Mountain, leur 9e album sorti en 1973. On retrouve Are You Reserving Me, Radar Love et Big Tree Blue Sea notamment. Je diffuserai ensuite des punk à chiens de Les Crétins des Alpes, c'est sur Qu'est-ce qu'on va faire, leur premier album sorti en 2009. On peut entendre aussi Les Dorifors sont de retour, deux pour le même prix, et Les Salauds du Lac notamment. Et on finira ce bloc en live avec Special K de Placebo, c'est sur Black Market Music, leur 3e album sorti le 9 septembre 2000. On retrouve aussi Day Before You Came, Hemoglobin et un titre caché, Black Market Blood. Attention, Attention, sur le palier numéro 2, l'ascenseur de 22h43 est annoncé. Veuillez dégager le vide ordure, s'il vous plaît, et ne pas laisser les enfants s'amuser avec les fils à haute tension. Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir. J'arriverai par l'ascenseur de 22h43 et je viendrai relever le compteur de ton ennui. Il te faudra sans doute changer de tête et puis brancher ton cerveau sur ton cœur. Sera plus charmé comme avant. Rien ne sera plus jamais comme attention. Attention, le surveillant général vient de sortir de son laboratoire et en refermant sa braguette, il a dit aux oiseaux qui piaillaient dans la cour de récréation: et pour la bas, si ça continue, faudra que ça cesse. Si ça continue, faudra que ça cesse. Attention, attention. Désormais, vous êtes invité à laisser l'état dans les WC où vous l'avez trouvé en entrant. De me faire envoyer la liste des erreurs constatées au 756 du 7203. N'oubliez pas de me faire envoyer la liste des erreurs constatées au 756 du 7203. N'oubliez pas de me faire envoyer la liste des erreurs constatées. 156 du 72-03-10. N'oubliez pas de me faire envoyer la liste des erreurs constatées au F-756 du 72-03-10. Tight. And I'm spinning to a nude sunrise. almost speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee's coming on strong. And the newsman sang his same song. On est les crétins des Alpes, en direct sur Vampire Freaks. Allô, Colibri 83 pour Marcel 04. Ouais, salut, tu m'entends? Ouais, parce que là je suis à côté du camion, il y a des jeunes, ils sont en train, d'après moi ils te siphonnent le gasoil, ils sont détruits, il y a des déchets qui tournent autour. Eh ouais, qu'est-ce que tu fasses d'autre, narguilé à ta citerne? J'ai de nouveaux voisins, ce sont des pingas. Beaucoup de prix pour rien, comme nous en peu crétins. Yeah. Mes nouveaux voisins, ce sont des pingas. Ils ne voient jamais le matin, et sont sous comme le chien. Arrivé, stacké de tous les côtés. Dans cette ruine abandonnée, je les ai vus s'installer. Et j'étais neuf dans le camion, tatoué des pieds au menton. Comment distinguer les filles des garçons? J'ai de nouveaux voisins, ce sont des vagas chiens. Beaucoup de bruit ou rien, comme nous on peut être un. Yeah. Mes nouveaux voisins, ce sont des vagas chiens. Ça fait déjà 10 jours qu'ils sont là, ils me calculent même pas. Des coups de grosse caisse commencent à faire des dégâts. Ils ont débarqué au village avec leur look de nécrophage. Faudrait pas oublier de bien fermer les garages. Sans avoir été invité, ils testaient une recette de champignons LSD. Ils n'avaient pas très bonne mine. Après 20 livres de kétamine, extra ira chacha, c'est pas comme des vitamines. J'ai de nouveaux voisins, ce sont des vagas chiens. Beaucoup de bruit pour rien, comme nous en plus crétins. J'ai de nouveaux voisins, ce sont des vagas chiens. À danser, mes préjugés de que bon, on finit par s'en aller. Ils ont des chiens et pas des rats. Ça fait pas de les scélérats. Les pingachins sont rebelles, ils participent au combat. J'ai de nouveaux copains, ce sont les pingachiens. Beaucoup de plus c'est bien, on est tous des crétins. Mes nouveaux copains, ce sont les pingachiens. On voit jamais le matin et on n'entend plus rien. Yeah! beaucoup. Vous êtes toujours dans la Vampire Freak spéciale 50e sur votre radio favorite et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire l'ascension de 22h43 en live d'Hubert Félix TFN, The Night of the Warlock de Doro, Radar Love de Golden Earring, le petit message des Crétins des Alpes, merci les mecs, des punks à chiens de les Crétins des Alpes, Special K en live de Placebo. On continuera en live avec Peter Tosh et Coming Hot. C'est sur le sublime Wanted Dread or Alive sorti en juin 1981. On peut entendre Nothing But Love, Love, Cold Loud et Rastafari's, entre autres. On ira faire un tour en Allemagne avec Die Fantastischen Vier, à chaque fois j'ai du mal à le dire, et Und Los, c'est sur Record, sorti le 24 octobre 2014. On retrouve aussi Heut, La Zen et God is my judge, qu'on peut traduire par Dieu est mon seul juge. Tout à l'heure, je parlais de son d'hier et d'aujourd'hui. Dans cette émission, un max de nouveautés. Et on commencera avec Au cœur de nos peines de Baron. C'est tiré de leur premier EP sorti cette année. On peut entendre Bad Time for Losers, Ad Libitum et Résistance, entre autres. On enchaînera avec une autre nouveauté, Sink et Serpent. C'est leur premier single. Ils ont un album en cours. Allez faire un tour sur les pages Facebook de Baron et de Sink. Un petit like au passage. Ils ont une chaîne YouTube aussi, Sink et Baron. Je mettrai les liens sur la page Facebook de l'émission. Vous savez, j'adore l'indus allemand. Alors, comme on est là pour s'amuser et que c'est une spéciale 50e, je passerai Benzin de Rammstein. C'est sur Rosenroth, leur 5e album sorti le 28 octobre 2005. On peut entendre aussi Rosenroth, Spring, If Mir et Stirb nicht vor mir en duo avec la chanteuse de Texas. I'm a coming in hot, yeah. Fire in the sun. Oh, say I'm a coming in. Fire in the sun. I just clean up my nozzle and then load my barrel. Fire in the sun. Ah!

Medizin, noch keine Frau, nur Vaselin. Etwas Nitro Blitzkrieg. Ich brauche Geld für Gasolin, explosiv wie Kerosin, mit viel Octan und frei von Blei. Einen Kraftstoff wie Vous êtes dans la 50e Vampire Fix, émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. On vient de se faire un super bon bloc là. Coming in hot en live de Peter Tosh, Undoze de The Fantastic Genevieve, une nouveauté au cœur de nos peines, de Baron, Serpent de Sink, encore une nouveauté. Et on a fini avec le grand classique en live de Rammstein, Benzine. Alors, on poursuivra cette émission en live avec The Mahones et Angels and Devils. C'est aussi le titre de cet album sorti le 13 novembre 2012. On retrouve aussi Spanish Lady, The Waiting et Whiskey Train. Et entre autres, tiens, on ira faire un tour au Québec avec Fidel Fiasco et All About Moué. C'est sur Banal et Pathetic, sorti en 2015. Ils viennent de signer avec le label XYZ Music. Ils préparent un album. Je serai le premier à diffuser en Europe. C'est ça, la classe dans l'espace. Je peux même vous dire qu'ils projettent une tournée européenne l'an prochain. Affaire à suivre. Je diffuserai ensuite Sandy Trash de Sandy Trash. C'est sur le sublime Outrageous Brune, sorti en 2014. On retrouve aussi Jane B, Miss Kille Bang et L'Essence et le Sang. Leur nouvel album, Tu veux monter dans le wagon, va sortir bientôt. Je dois le recevoir. Et on peut le précommander, il est en cassette, vinyle, enfin bref. Je dois le recevoir. Des nouvelles très vite. Tiens, une autre nouveauté. Le dernier titre de L'Ordre d'Héloïse. Je sais que vous aimez beaucoup, alors ce sera Ne restez pas en paix, c'est sûr. Après le chaos, sorti en 2015, on retrouve aussi Carnage, Coupé du monde et Après le chaos notamment. Allez faire un tour sur la page Facebook de l'Ordre d'Héloïse, un petit like au passage. Ils diffusent régulièrement des nouveaux titres. C'est un plaisir de les écouter. On a commencé ce bloc en live et on le finira en live et en vinyle avec The Trooper d'Iron Maiden. C'est sur Peace of Mind, sorti le 28 mai 1983. On retrouve Flight of Icarus, Revelation et Sun and Steel, entre autres. Angels and Devils! I'm Salut les cousins, nous sommes Fidel Fiasco, vous écoutez Vampire Freaks avec Jean-Philippe Marie, oui. L'homme le plus moustachu de la planète. Ciao cousin. Around the fire, pis j'prends toute la place, c'est everyone gets tired. Quand j'ai fait le tour of the songs I know, j'suis souvent dans la cour alone at the show. When I get up tout le matin, I always look up at ma belle gotin. Then I kiss the girl qui est à côté de moi. I don't say a word, on n'est pas capable de s'accorder. Que je me botte le cul, I never been plus bien qu'aujourd'hui. I play and sing comme quand j'étais petit. Thank you. Bonjour, c'est Alain de l'Ordre d'Héloïse. Vous écoutez l'émission Vampire Freaks avec Spike. Vous êtes toujours dans la set Vampire Freak spécial 50e et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire Angels and Devils de Maones en live, All About Moe des Fidel Fiasco, Sandy Trash de Sandy Trash, le nouveau L'Ordre d'Héloïse Ne Restez Pas en Paix et le grand classique vinyle live The Trooper de Maiden. On continuera cette émission en live avec Madness et Baggy Trousers. C'est sur Absolutely, sorti le 26 septembre 1981. On peut entendre aussi Embarrassment, Close Escape et Shadow of the Fear notamment. Tiens, un petit coucou à faire à Amiens. Je passerai ensuite Be Now et La Fille à Nelson Montfort. C'est sur Come to the Dark Side, sorti en 2014. On retrouve aussi Le Dormeur Doit se Réveiller, For the Rock, La Revanche de et La Revanche de Nelson. Ah, je l'adore ce mec. Tiens, comme vous savez, je suis aussi auteur-compositeur du groupe Morsen 43 et ce week-end, j'ai pondu le morceau le plus flippant que j'ai écrit jusqu'à présent. Son titre, c'est Red Rum. Je vais me faire un plaisir de le partager avec vous. Il était en téléchargement gratuit sur Bandcamp. Que dire d'autre ? Viens de faire un tour sur la page Facebook de Be Now et ainsi que sur celle de Morsen 43 et il y a toutes les infos dessus. Allez, on va continuer avec une autre nouveauté. Le nouveau titre de Teacup Monster, Communication, c'est sur l'EP The Amazing Teacup Monster sorti cette année. On retrouve aussi It Doesn't End Tonight, Open Your Mind et Sorry For That. On a commencé ce bloc en live, alors on finira en live avec Manowar et Holy War. C'est sur Fighting The World, leur cinquième album sorti le 17 février 1987. On peintant aussi Blow Your Speakers, Defenders et Masters of the Revenge notamment. Time it seems so bad, trying different ways to Thank you indeed. Most of all. C'est spécial. Spécial. S'il te plaît. Non mais il y a un truc bien. Non mais c'est un truc bien. C'est quoi que je comprends pas dans bien? Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans notre salon. Vampire Freaks, ça arrache. Je souhaite présenter cette émission pendant encore de nombreuses années. Vampire Freaks, ça arrache. Très bon son maison. Vous aimez le bon son live? Ça tombe bien, moi non plus. On commencera cette émission avec Queen et A Kind of Magic, car ce moment de partage avec vous, mes amis, est un peu magique. Vampire Freaks, ça arrache. Très bon son maison, plein de grands classiques. Dernièrement, j'ai reçu Come to the Dark Side, l'album de Be Now. Vampire Freaks, ça arrache. Très bon son maison. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Dans cette émission, je passerai la fille à Nelson Montfort, la revanche de Nespol, par un Ben. T'avais pas plus court comme titre? Yo, c'est Bino, donc je voulais remercier la Vampire Freaks et Spike donc pour les diffusions dans son émission. Parce que du coup, ça permet d'avoir un auditoire que j'avais pas forcément, que les Webwardio m'avaient recalé. Et du coup, lui, il m'a accepté. Donc voilà, je le remercie. Et longue vie à son émission, longue vie à la Vampire Freaks, longue vie à Spike. Et continuez à écouter la seule émission 100% approuvée par Chuck Norris et Raptor Jésus. Allez, ciao, à bientôt. Bonsoir à tous et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous êtes confortablement installés comme moi. Le soir, quand je rentre des concerts, bondé au tarpé à la bière, la tête pleine de rythme vulgaire, j'allume ma télé pour me distraire. Et là, je la vois, bouquin en poignet, me raconte des histoires dont j'ai rien à branler. Mais je reste quand même, je reste scotché. Ce que je peux faire chez elle, c'est son décolleté. C'est son décolleté. Elle me raconte des histoires pour que je m'endors. Elle me raconte des histoires, la fille de Nelson Montfort. Elle me raconte des histoires pour que je m'endors. Elle raconte des histoires, la fille de sonne mon fort. Et moi je reste là à l'écouter, tout en m'attend son décolleté. Avec elle je voyage jusqu'au bout de la nuit. Quand elle croise les jambes, c'est le paradis. Et là je la vois, bouquin en poignet, jambes décroisées, putain c'est parfait. Elle me raconte des histoires dont j'ai rien à prendre. Ce que je peux faire chez elle, c'est son décolleté. Nom de Dieu. Ah, salaud. Ah, cochon. Ah, vaurien. Ah, rossard. Elle me raconte des histoires pour que je m'endorme. Elle me raconte des histoires, la fille de sonne mon corps. Elle me raconte des histoires pour que je m'endorme. Elle me raconte des histoires, la fille de sonne mon corps. Elle me raconte des histoires pour que je m'endorme. Elle me raconte des histoires, la fille de sonne mon corps. Victoria, tu voudrais pas venir chez moi parce qu'en fait j'ai un gros bouquin et j'aimerais bien que tu me le lises. Non, tu voudrais pas parce que sinon j'ai les arlequins aussi ou le Kama Sutra peut-être. Non, tant pis. Non, sinon tu peux toujours venir à la maison. Puis au pire, si tu veux pas lire, on pourra toujours baiser. « Jack R dans Ruelle étroite et sombre. Un mal affreux le ronge. Il a envie de mettre un terme à une vie. Il se sent fort, rien ne peut le stopper. Rien, ni personne. Il rejoint les grands boulevards, des filles de joie, du monde, du bruit, métro. Et à l'entrée du métro, il rencontre une femme et l'invite à trinquer. La police est sur les dents, cet insaisissable assassin court toujours. Un autre crime survient dans la semaine, puis un autre, et encore un autre. La soirée passée, il se propose de leur accompagner. Au détour d'une ruelle, il l'entraîne vers les poubelles. Lui inflige les pires sévices et dans le tas d'immondices, son cou craque. Psychopathe. La psychose s'installe en ville un temps. Les rues désertes et les magasins vides. Puis le malaise décline et se tasse. Puis les années défilent. Un an, deux ans, trois ans. La police est sur les dents, cet indésirable assassin court toujours. Un autre crime survient dans la semaine, puis un autre, et encore un autre. L'assassin court toujours, puis les années passent, tout le monde se sent en sécurité, en paix, et l'assassin oublié. Mais un sombre matin, au pied des escaliers, on retrouve dans les poubelles, baignant dans son sang et les détritus, le corps d'une fille sauvagement agressée. Il est revenu. La police est sur les dents, cet insaisissable assassin court toujours. Un autre crime survint dans la semaine, puis un autre, et encore un autre. Psychopathe. L'assassin court toujours, puis les années passent. Tout le monde se sent en sécurité, en paix, et l'assassin oublié. Mais un sombre matin, on retrouve dans les poubelles, baignant dans son sang et les détritus, le corps d'une fille sauvagement agressée. Il est revenu. Tout ceci n'est que fiction, mais chaque jour que l'on fait, la misère de ce monde me donne envie d'agir. You gotta listen, you gotta talk to me. Communication, communication. You gotta listen, you gotta talk to me. Communication, trouble of the nation. You gotta listen, you gotta talk to me. Communication, communication. You gotta listen, you gotta talk to me. I just need one of my fingers to tell you how I feel. I still got nine left to show you what it means. I would have liked not to make it, but you don't let me speak. I tried to explain, yeah, but you don't want to hear. You gotta listen, you gotta talk to me. Communication, communication.

Vous êtes toujours dans la Vampire FX spéciale 50e, la classe dans l'espace. On vient de se faire Baggy Trousers en live de Madness, la fille de Nelson Montfort, Binao, Ben, j'adore ton jingle, ça me fait trop plaisir. Red Rum de Morsen 43, Communication, une nouveauté de Teacup Monster et Holy War en live de Manowar. On poursuivra cette émission en live avec Anthrax et In My World, c'est sur Persistence of Times, leur cinquième album sorti le 21 août 90. On retrouve Blood, Keep It In The Family et Discharge entre autres. Encore une nouveauté, enfin du moins sur ces ondes. Sort de ma tête, Note de Nobody's Trace, c'est sur Utopique sorti en 2014. On peut entendre aussi Violence Démo, Rien ne change et Sans Regret notamment. Il prépare un nouvel album, allez faire sur un tour sur la page Facebook de Nobody's Trace. Je mettrai les liens, Envie de Tendresse. Valérie d'Amy Winehouse, c'est sur Lioness et Hidden Treasures, l'album posthume sorti en 2009. On retrouve Our Days Will Come, Like Smoke et Body and Soul notamment. Allez hop, une autre nouveauté, le dernier titre de Post 942, Devil's Campaign, c'est sur le premier single d'un prochain album. Ils avaient sorti Extended Play l'an dernier, hâte d'entendre ce nouvel opus. Du bon son bientôt dans votre Vampire Freaks. On a commencé ce bloc en live, et oui, comme c'est une spéciale, on le finira en live avec le grand classique des Dead Kennedys, Too Drunk to Fuck. C'est sur Fresh Fruit for Rotting Vegetables, leur premier album des Dead Kennedys, sorti le 2 septembre 1980. On peut entendre aussi Kill the Poor, Drug Me et California Uber Alles, entre autres. Well, sometimes I go out bouncing and I look across the water. Did you have to pay the fine? On vient de se faire In My World en live de Anthrax, une nouveauté Sort de ma tête de Nobody Straight, Valérie de Amy Winehouse, une autre nouveauté Devil's Complain de Post 942 et le grand classique Too Drunk To Fuck en live de Dead Kennedys. Cette spéciale 50e touche malheureusement à sa fin, je vous remercie encore de l'avoir suivi. Je vous le rappelle, je serai là tout l'été. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. On finira cette émission en live avec Motley Crue et en vinyle, Live Wire. C'est sur Too Fast for Love. On peut entendre aussi Come On and Down, Take Me to the Top et Tonight. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à toutes et tous, la tribu! Stay rock! Fucking noise in that back here, I can't hear ya! Little bit better than it used to be. 'Cause I'm alive.